conseil. Ma paix barou, faut coucouter. Quoi suspendre même pour bon jeune gens. Pour ça, ouais, devant la fête. Où t'es petit, où t'es gain, maman. Avec papa qui pourrait de où. Tout ça, blé, y'a t'obligé, blé le tout. Pour écouter, c'est pas même bagaille. Accident. Belle dit petite, mon petit conseil. Ma paix barou, faut coucouter. Quoi suspendre même pour bon jeune gens. Pour ça, ouais, devant la paix où. Où t'es petit, où t'es qu'un maman. Avec papa qui tout semble, y'a t'obligé de tout. Pour écouter, c'est pas même bagaille. Conseil, toujours bon, coutel, ou à changer, chéri. Moi, car on pitié. Maintenant, il était un proverbe, dans longtemps, dans le temps, moi, passer mal. Passer mal.